Écoute nos milliards de minutes à se torturer le cerveau. Écoute en MP3 d'eau de chameau. Écoute en basket, écoute en métro ou en bus. Écoute en caisse, écoute à pince, mais évite les Airbus. Écoute l'aéroport et la gare. Écoute Madrid qui déraille et les jumelles dans le corbillard. Écoute les navires d'Espagne, les fours d'Allemagne, les colonies de Grande-Bretagne. Écoute et réécoute depuis ton bloc. Écoute mon stylo belteuse des terres, les époques. Écoute Medine et sa musique marginale. Écoute mon jihad, écoute ma bande originale. Écoute la polémique, écoute la loi des laïcs. Écoute le rat de marée, le tsunami est islamique. Écoute Christian Chesneau et puis Georges Malbruno. Écoute Colline le barbare et puis Georges Rambeau. Écoute Bagdad est écrite sous les obus. Écoute l'histoire se répéter pour les peuples et les tribus. Écoute la TV sous nos billes, écoute l'islamophobie. Et comme parfois le monde oublie, c'est ce qu'on écoute et va savoir ce qu'on comprend. Reste à l'écoute mon garçon et à bon. Écoute les clochers, écoute les bourres enclenchées. Écoute l'acier s'enclencher, écoute mon éclair. Écoute ma foudre de nerfs, écoute mon tonnerre. Médine l'arabien du panthère. Écoute mon passé, mes pensées, écoute mon son, ma mission, écoute ma leçon de français. Écoute les cales du cargo pleines de tonnes de résine. Écoute les dos de nos pères qui s'esquintent à l'usine. Écoute le fort qui opprime le faible et l'histoire qui finit bien uniquement dans les fables. Écoute le JT qu'on avale comme une pilule. Écoute Hurricane Carter, un ouragan dans une cellule. Écoute Radad Omar Arabi nos santé. Écoute l'immunité diplomatique est plus qu'en bonne santé. Écoute les voix du passé portées par le vent. Absent d'Emmanuel mais dans nos têtes en mouvement. Écoute nos vies, nos voix, nos énervements. Écoute ma terre s'enterrer, ses vivants, survivants. Des ghettos, écoute mon son. Écoute nos messages, nos récits, des versets à l'unisson. Écoute le pot percé d'un ZY, les roues arrière en terrain sec. Mais écoute la Jibenchek. Écoute la France qui veut contrôler les mosquées. Écoute les tables d'écoute, l'infiltration des RG. Écoute la Corse qui crie Arabifora. Écoute le torrent déferlé sur Tora Bora. Écoute la matraque sur la nuque d'un immigré. Écoute les trains d'atterrissage du charter négrier. Écoute les USA coloniser légalement. Écoute l'ONU sous calmant. Écoute les coupes-coupes dans les côtes. Écoute les sales équipes. Écoute les scanners. Écoute la balle du flic. Écoute les scalpels. Écoute ma comptine. Écoute le placard et les matons dans la cantine. Écoute le shit en parachute. Les détenus qu'on bisute. Écoute la chute des sales réputes. Écoute la ruche Sainte-Catherine et la baffe. Écoute la place qu'on crie. Le BDP et la rue de clave. C'est ce qu'on écoute et va savoir ce qu'on comprend. Reste à l'écoute mon garçon et apprends. Écoute les clochers, écoute les bourres enclenchées. Écoute l'acier s'enclencher, écoute mon éclair. Écoute ma foudre de nerfs, écoute mon tonnerre. Médine l'arabien du panthère. Écoute mon passé, mes pensées, écoute mon son, ma mission. Écoute ma leçon de français. C'est ce qu'on écoute et va savoir ce qu'on comprend. Reste à l'écoute mon garçon et apprends. Écoute les clochers, écoute les bourres enclenchées. Écoute l'acier s'enclencher, écoute mon éclair. Écoute ma foudre de l'air, écoute mon tonnerre. Médine l'arabien du panthère. Écoute mon passé, mes pensées. Écoute mon son, ma mission. Écoute ma leçon de français. Écoute prouve, l'adversaire est dans les cordes. Petit écoute d'une record. 14-26 Jihad.